Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Gémozo 107FM. Nous sommes le mercredi 24 février 2021, il est 14h01, nous sommes en direct, c'est Chris et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle édition de votre nouvelle émission, désormais plus si nouvelle, proposée par Radio Gémozo intitulée Fréquence Libre. Je rappelle rapidement le principe, il est très simple, chaque lundi, chaque mardi et chaque mercredi, je reçois un ou une invitée pour que il ou elle puisse nous parler de ce qu'il ou elle fait, que ce soit au niveau du métier, des passions ou autre. Et aujourd'hui, pour cette nouvelle édition, je reçois par téléphone Nils, une des deux moitiés du duo Les Grands Enfants, qui va nous parler, entre autres, du projet Future Love and Death du duo Les Grands Enfants, du coup, comportant 12 titres, qui sortira dans quelques jours à peine, le vendredi 26 février. Bonjour Nils. Bonjour. Comment ça va? Bah écoutez, ça va très bien et vous? Ça va bien, merci. Du coup, nos auditeurs et nos auditrices se sont désormais habitués. La première question que je vais vous poser est, avant d'entrer dans le vif du sujet, pouvez-vous vous présenter, vous, ainsi que présenter les grands enfants? Alors, donc moi c'est Nils, et donc je suis l'une des deux moitiés du duo Les Grands Enfants. Et en fait, on est un duo producteur, rappeur, chanteur. C'est-à-dire que en fait on crée notre musique à deux, on fait nos prods, nos instrumentales nous-mêmes, ensuite on écrit et on s'enregistre par-dessus. Et voilà, donc là on sort un projet donc jeudi soir et ce sera notre troisième projet. On en est très fiers, on a très hâte que ça sorte. Ensuite, en termes d'identité musicale, c'est principalement du rap, mais on essaie quand même de s'éloigner un petit peu des codes traditionnels et de faire un petit peu notre propre sauce, si je puis dire, en y incorporant des éléments d'autres genres musicaux comme la musique électronique ou encore certains éléments plus rock, voire pop. D'accord. Donc, comme vous le dites, vous êtes un duo de chanteurs-rappeurs. Est-ce que vous chantez et rappez tous les deux, ou est-ce que vous avez chacun votre rôle à jouer, votre poste? Alors, c'est un peu des deux. Donc, l'autre moitié du duo, donc c'est Marius. Et donc Marius, lui, il est principalement sur la production et sur l'aspect technique et création des instrumentales, parce que c'est ce qui lui plaît le plus et c'est ce qu'il aime le plus faire. Et moi, donc, je suis plus sur l'aspect écriture, création des top lines et chant, mais c'est pas fermé, dans le sens où ça peut très bien arriver que Marius veuille faire un couplet ou trouver une top line et qu'il ait envie de chanter un refrain. Voilà, c'est pas fermé, on n'est pas tous les deux enfermés dans des postes prédéfinis, on a juste nos préférences chacun, et on évolue comme ça. D'ailleurs, pourquoi ce nom Les Grands Enfants? Alors à la base, c'était ça vient plus d'une blague avec nos amis quand on était plus jeunes, quand on était adolescents. Et au final, on trouvait que ça sonnait bien, on l'a gardé puisqu'on trouve que ça nous représente plutôt bien, dans le sens où ça nous caractérise un peu comme des rêveurs ou des gens un peu naïfs, et c'est une partie quand même assez importante dans les créations, c'est-à-dire d'essayer de faire les choses avec quand même pas mal de spontanéité et de naïveté dans notre processus créatif, c'est-à-dire qu'on aime bien ne pas passer par exemple trop de temps sur un morceau, ou on aime bien quand les choses viennent assez naturellement et que les choses se font vite et qu'on a l'impression que ça, voilà quoi, que ça sort rapidement et naturellement. Ah oui, d'accord, donc en effet comme un petit enfant, la naïveté, tout ça. D'accord. Oui, c'est ça, c'est pas trop, on essaie de pas trop intellectualiser ce qu'on fait, mais vraiment faire en sorte que ça paraisse authentique. Vous prenez du plaisir, vous vous amusez, tout simplement. Exactement. Donc, comme je le disais en introduction, et comme vous l'avez dit d'ailleurs, vous êtes deux, il y a vous, Nils, et il y a Marius. Donc, ouais. Quel lien vous unit tous les deux? Est-ce que vous êtes potes, vous êtes frères, vous êtes cousins? Ouais, de base, ouais, on est potes. En fait, on s'est rencontrés au collège. On était en troisième. En fait, on était tous les deux nouveau dans le collège dans lequel on arrivait. Donc, c'est jamais facile d'arriver nouveau en troisième dans un collège, dans une classe où tout le monde se connaît plus ou moins. Et on a très vite connecté. On a vu qu'on avait pas mal d'intérêts en commun, notamment la musique. Mais on n'a pas commencé tout de suite à créer ensemble pour autant. Au début, Marius, lui, en fait, il a installé FL Studio sur son ordinateur quand il était, en fin de collège, début lycée. Il a commencé à faire de la musique plutôt électro à la base de son côté. Et moi, de mon côté, j'avais déjà cette envie d'écrire et de composer des chansons. Mais pareil, je faisais ça plus de mon côté avec un autre petit collectif d'amis à l'époque. Et puis c'est peut-être deux trois ans après où là on s'est dit, tu fais de la musique, je fais de la musique, on s'entend bien et on a la même vision. On a plus ou moins la même vision de la musique et de ce qu'on veut faire. Alors pourquoi ne pas tenter l'aventure ensemble et depuis on s'est pas arrêté. D'accord. Donc, comme vous l'avez dit, c'était donc les grands enfants, c'était un petit délire entre amis. Mais est-ce que c'est seulement grâce à ça que vous est venue cette idée de créer les grands enfants, donc ce duo mélangeant plusieurs styles musicaux, ou est-ce qu'il y a d'autres raisons? D'autres raisons que l'amitié, vous voulez dire? D'autres raisons que le petit délire entre potes que vous aviez avant, du coup. Je sais pas, c'est une bonne question. Je pense que non, à l'origine c'était plus vraiment cette envie de créer quelque chose ensemble entre amis, ouais, parce que on trouvait l'idée belle et on en avait envie tous les deux, mais à la base on n'avait pas forcément, enfin en tout cas au moment où on a commencé à travailler ensemble, on se voyait pas forcément 4 ans plus tard sortir un album, etc. C'était vraiment quelque chose de plus instantané et pas très réfléchi, quoi. C'est plus, ça a évolué plus avec le temps nous qui avons mis en place un plan et qui nous sommes dit ok, donc dans un an on fait ça, dans 2 ans on fait ça. C'était plus naturel que ça, ouais. D'accord. Donc justement, était-ce important pour vous deux de faire un duo tous les deux, justement parce que comme vous l'aviez dit, vous étiez tous les deux nouveaux dans le même collège. Donc est-ce que c'était pour vous intégrer, du coup, pour aider l'intégration de l'autre en faisant ce duo? Je sais pas si j'ai été très clair. Ça non, pas vraiment, parce que comme je vous ai dit, on a commencé à faire de la musique ensemble plus tard, quelques années plus tard, donc à ce moment-là on était en fin lycée, même presque plus au lycée, donc il n'y avait plus forcément cette problématique de l'intégration. Non. D'accord, ok. Donc comme je l'ai annoncé en introduction, nous sommes ici aujourd'hui, en ce mercredi 24 février 2021, pour parler de votre projet musical Future Love and Death, qui va sortir dans quelques jours, donc jeudi soir, c'est ça? Oui, jeudi soir à minuit en fait. Ce sera disponible sur toutes les plateformes de streaming jeudi soir à minuit. Ouais. D'accord. Donc avant d'entrer plus en détail dans ce projet, je vous propose de nous lancer tout de suite dans une première fréquence, comme j'aime à l'appeler, son tiré justement de ce projet, Future Love and Death. Et ce son sera All Night. Est-ce que ça vous va qu'on s'écoute ça? Ouais, let's go, c'est parfait. Ok, donc on s'écoute ça et du coup, on se retrouve juste après. Ok. Je vis dans les étoiles, yeah. Je roule une fusée, je vais décaler, yeah. Très tard dans la night, yeah. D'un coup j'ai plus peur de caler. Dans un Marco Benz, m'imagine ton avatar. Je reçois tes appels dans le Love Hotel. Amour digital, émoji cœur brisé. Tu m'as dit je t'aime quand j'avais les petits yeux. Je veux des végétaux, je les tatoue sur ma peau. Je veux des beaux métaux, ça sera pas ma peau. Assez souvent j'ai la tête qui tourne. J'ai l'impression de faire un texte à trous. Je reviendrai pas comme une ex qui saoule. Faut que tu m'excuses tout. Je vis dans les étoiles. visage font du cœur. C'est la fin. Fond du cœur, je me tue à te dire que c'est la fin. Elle me sort du club avant la fin. Parce qu'elle est fine. Putain de merde, c'était une fan. Depuis le début, c'était fake. Mes souvenirs, je les efface. Je pourrais jamais m'en refaire. Merco, Benz, The Boy, Jimmy dans la job. J'efface tout sur mon laptop avant qu'il nous chope. Yeah. Je vois les phares. Dehors, y'a les cops, ils veulent nous faire. Faut que je fly. Sinon, je vais retomber dans la faille. Faut qu'on quitte la terre. Vous êtes de retour sur Radio Gemozo. Vous êtes toujours en direct sur le 107 FM. Il est 14h12 et vous nous écoutez sur nos applications, donc sur le 107 FM ou sur nos applications Radio Line et Orange Radio. Vous venez d'écouter All Night du duo Les Grands Enfants. Vous nous écoutez peut-être chez vous, sur votre lieu de travail, votre lieu de vacances ou encore sur la route. Si c'est le cas, évidemment, soyez prudents. Nous sommes toujours en compagnie au téléphone de Nils du duo Les Grands Enfants qui est venu nous parler du projet Future Love and Death qui sort dans quelques jours. Ça va toujours ? Yes. Donc, pour expliquer un petit peu à nos auditrices et nos auditeurs, bien sûr, en préparation de nos émissions, nous établissons toujours un premier contact avec nos futurs invités. Et dans ce premier contact, vous m'avez informé, donc il y a quelques jours, en amont de cette émission, que chacun des sons que nous allons diffuser lors de cette émission comporte quelque chose à dire. Que pouvez-vous donc nous dire sur ce son All Night ? All Night, donc c'est un morceau qui arrive assez tôt dans l'ordre des morceaux du projet, puisque c'est la track 2, donc c'est le deuxième morceau, et donc c'est un des morceaux du début qui sert un petit peu c'est un de ces morceaux qui sert un peu à planter le décor et un peu installer notre univers visuel notamment, et un peu décrire le monde dans lequel l'auditeur va rentrer par le biais de ce projet. Et donc là c'est pour ce morceau, donc il installe en fait un peu cette ambiance un peu nocturne qu'on va retrouver tout au long du projet. C'est-à-dire que il y a beaucoup de références donc au monde de la nuit, avec le titre qui est All Night, donc c'est assez évident. Bien sûr. Et donc ouais, il instaure un petit peu cet univers un peu parfois hostile qu'on va retrouver dans le projet. D'accord. Et donc il retrace un petit peu le chemin qu'un protagoniste peut rencontrer dans une nuit, c'est-à-dire que il y a à la fois la fête, les excès, mais il y a aussi quelques phrases qui rappellent une relation amoureuse. Voilà, c'est un petit peu un univers nocturne qui nous plaît et qu'on a voulu installer par le biais de ce morceau. D'accord. Donc d'ailleurs, dans ce son, donc All Night, donc c'est vous qui chantez, mais Marius, il intervient aussi également, non ? Ouais, voilà, c'est ça. Oui, j'ai oublié de dire ça d'ailleurs tout à l'heure. C'est vrai que Marius, dans le projet, même de manière générale, ça lui arrive assez souvent d'intervenir par le biais des bacs, c'est-à-dire qu'il va faire des phrases entre les temps, qu'il va venir un peu faire des harmonies, vu qu'il chante très bien, ça vient enrichir les morceaux et mettre un petit peu de diversité, ce qui peut rendre aussi les sons un peu moins lassants, et je pense que c'est super positif. D'accord. Donc, pour faire un rapide résumé, si jamais certains auditeurs ou certaines auditrices n'étaient pas présents en début de cette émission, pour faire un rapide résumé, donc, les grands enfants, ce sont deux producteurs, auteurs et interprètes, c'est bien ça ? Ouais, exact. C'est vous qui faites tout de A à Z ? Ouais, on est complètement indépendant et on fait tout de A à Z, à part le mastering, ça, on le délègue à un professionnel parce qu'on n'a pas encore on n'estime pas avoir les compétences techniques ni le matériel pour le faire aussi bien qu'on le voudrait. Mais hormis le mastering, donc qui est vraiment la dernière étape de la production musicale, ouais, on est totalement indépendant et totalement maître de nos créations. D'accord. Donc, dans les différents styles de musique que vous pratiquez, est-ce qu'il y a un style en particulier que vous préférez pratiquer ou pas du tout ? Je pense pas qu'il y ait un style qu'on préfère pratiquer, puisque enfin, même notre style, c'est finalement un amas de plusieurs choses. Donc je pense pas qu'il y en ait un en particulier qu'on préfère. Après, on aime bien s'essayer. Il y a des styles auxquels on aime bien s'essayer et essayer un peu d'innover dans ces délires-là. Par exemple, il y a la musique technologique, la musique techno qui nous attire beaucoup, et parfois on s'amuse à essayer d'en incorporer un petit peu au rap parce qu'on trouve ça original et assez novateur. Pareil avec le rock, notamment le punk rock aussi. Moi, c'est un mouvement que j'aime beaucoup, une musique que j'aime beaucoup, et parfois on essaye de l'incorporer à nos productions et ça, ouais, ça nous plaît bien. D'accord. Donc vous faites de la musique qui se veut, je cite, spontanée et émouvante. C'est ce que j'ai lu dans ce que vous m'avez envoyé en amont de cette émission. Ouais, on essaye en tout cas. Comment expliquez-vous que vous fassiez de la musique spontanée et émouvante ? Est-ce que c'est dans le message que vous voulez faire passer, dans les paroles, dans la musique, ou c'est un tout ? Alors, je pense que, ouais, comme vous dites, c'est un tout. Il y a plusieurs choses. La spontanéité, elle vient déjà d'une part de la production, c'est-à-dire que souvent Marius, quand il va faire une prod, il va pas trop réfléchir, donc il va faire une mélodie, et comme ça il va vraiment faire la mélodie qui lui vient à l'esprit, et souvent il va pas aimer passer plusieurs heures sur une mélodie, il revient dessus. C'est souvent soit ça sort d'un coup, soit tant pis, on passe à autre chose. Et c'est la même chose au niveau des lyrics. Quand j'écris des paroles, moi j'aime pas trop non plus devoir revenir de 10 fois sur la même chose et réécrire. J'aime bien quand c'est spontané et que j'ai l'impression que c'est comme une sorte de cri du cœur finalement. Donc il y a la spontanéité qui apparaît comme ça, je pense. Et ensuite, sur l'aspect émouvant, pareil au niveau de la production, les mélodies que Marius va faire, ça va souvent être des mélodies assez émouvantes, avec des accords qui ont un côté un peu mélancolique. Et pareil dans les paroles, en fait, je pense que l'émotion elle vient du fait que c'est souvent assez direct et assez brut, et on essaye de pas trop passer par quatre chemins et de dire les choses de manière franche, directe, et voire même un petit peu trash parfois s'il faut. D'accord. Dans vos différentes productions, utilisez-vous la MAO ? Pour nos auditrices et nos auditeurs qui ne sauraient pas ce qu'est la MAO, c'est tout simplement les initiales pour indiquer musique assistée par ordinateur. Oui, dans le sens où nous notre c'est même quasiment essentiellement de la MAO, puisque nos prods sont faites sur FL Studio avec simplement un ordinateur. On n'utilise pas d'instrument réel, si je puis dire, enfin acoustique. D'accord. Non, tout passe directement depuis le logiciel le FL Studio. D'accord. Donc, entrons maintenant dans le vif du sujet. Votre projet Future Love and Death, qui sortira, je le rappelle une nouvelle fois, demain soir à minuit, en sachant que ce projet comportera 12 titres. Pouvons-nous dire... 13. 13 titres, d'accord, pardon. Ouais, c'est pas grave. Pouvons-nous dire, pardon, que ce sera un album, ou préférez-vous que nous le désignions autrement ? Alors jusqu'à présent, on a beaucoup utilisé le mot projet pour en parler. C'est vrai que souvent on parle de notre projet, mais je pense quand même que au fond nous, c'est un peu une manière de, en tout cas, à titre personnel, je pense que c'est un petit peu une manière de d'éviter d'employer le mot album, parce que c'est un mot qui fait peur, parce qu'un album c'est pas rien, donc pour ça qu'on préfère pour éviter peut-être un excès pour avoir peur de l'emploi du mot album, parce que ça représente quand même quelque chose dans la musique. On sort pas, dans la musique, on sort pas un album par hasard. Normalement, c'est quelque chose qui se construit, qui se réfléchit, qui prend du temps, qui est quelque chose de complet, de cohérent, de pensé. Et du coup, c'est pour ça que peut-être dans un premier temps, on se refusait peut-être un petit peu dans l'utilisation du mot album. Mais je dois avouer que quand je regarde le projet aujourd'hui et que je vois tout ce qu'on a construit autour, tout l'univers qu'on a bâti autour, la cohérence entre les morceaux, l'enchaînement de morceaux, le message, même le message global, je trouve qu'on a quand même réussi à construire un projet qui se tient et un projet qui a sa propre identité. Plus il comporte quand même 13 titres, donc ça ferait quand même beaucoup pour un EP. Au final, je pense que ça peut être considéré comme un album. Après, nous, je pense qu'on n'accorde pas énormément d'attention ou d'importance à l'appellation ou à la nomenclature projet, album. Au final, ce qui compte, c'est la musique et ce qui est dedans. Est-ce que les gens vont penser, est-ce que les gens vont ressentir en écoutant. Mais en tout cas, on n'a pas de problème avec le fait que ce soit appelé un album, quoi. D'accord. Donc justement, ce projet de 13 titres, est-ce qu'il sortira en format CD ou est-ce que c'est tout en digital ? Non, ouais, pour l'instant c'est tout en digital, parce que on n'a pas de contrat de distribution pour les CD. Donc pour l'instant c'est un petit peu compliqué. C'est un truc auquel on pense, qu'on aimerait réaliser un jour, mais pour l'instant non, ce sera essentiellement digital pour celui-ci. D'accord. Comme vous l'aviez dit, pardon, un peu plus tôt, ce Future Love and Death, c'est votre troisième projet. Ouais. Les deux précédents projets, est-ce qu'ils comportaient tous les deux autant de titres, ou est-ce que Future Love and Death, c'est vraiment votre titre, enfin votre projet le plus abouti? Ouais, non, c'est le dernier, donc Future Love and Death, c'était vraiment le plus abouti. Disons que les deux premiers projets, c'était plus un tâtonnement. Voilà, on se cherchait encore musicalement, on avait encore beaucoup de progrès à faire, mais on est quand même très content de les avoir faits, de les avoir sortis, parce que déjà on a eu des retours positifs et ça a plu à certaines personnes, et donc c'est quand même le principal et l'objectif premier de la musique. Donc rien que pour ça, on était déjà très content, mais non, on considère que c'est pas comparable en termes de travail, d'implication, de réflexion et même de production. On pense, en tout cas on espère que le prochain projet est quand même bien plus qualitatif et qui nous, en tout cas, il nous représente beaucoup mieux à l'heure d'aujourd'hui. D'accord. Donc on en parlera un petit peu plus tard. Mais donc du coup, j'imagine que vous avez d'autres projets ensuite. Ah oui, tout à fait. Ouais. Ok, donc on développera un petit peu plus tard cela. Ok. Du coup, à travers la création de ce projet, vouliez-vous faire voyager l'auditeur dans un autre monde, voire dans un autre univers ? Ouais, totalement. Nous, dans notre approche de l'écriture et de la création musicale, nous, ce qui me fait kiffer, en fait, c'est d'avoir une approche qui est quasi cinématographique, dans le sens où c'est une forme de rap et d'arc qu'on respecte beaucoup. Par exemple, le fait de décrire son quotidien, de décrire la réalité, d'avoir vraiment des paroles et des musiques très très très en lien, en prise avec la réalité, qui décrit vraiment le monde réel. Mais nous, on n'est pas trop là-dedans. On préfère plus justement avoir une approche plus imagée, et comme c'est comme, en fait, il y a beaucoup de morceaux que j'imagine comme des petits bouts de films, en fait, ou des petites scénettes de films qui sont pas forcément qui sont pas réels, quoi, mais qui apportent une forme de poésie qui est plus facile. Je trouve que c'est plus facile d'aller atteindre une forme de poésie en imaginant des univers et des mondes qui n'existent pas pour de vrai, même si il y a des aspects du projet qui nous ramènent un peu à la réalité. C'est clair qu'il y a une grosse partie d'invention et de création d'un univers un peu futuriste, dystopique, dans lequel voilà, tout semble s'effondrer peu à peu. D'accord. Donc dans vos 13 titres que j'ai écoutés un petit peu en amont. C'est l'avantage d'être animateur radio. On a le droit d'avoir les projets un peu en avance. Ce sont du coup des sons que je trouve personnellement très qualitatifs et très de bonne qualité. Merci beaucoup. Y a-t-il des messages que vous vouliez transmettre, des choses que vous vouliez dénoncer à travers vos titres? Alors dénoncer, je pense que le mot est un peu fort. Je pense pas qu'on ait la prétention de vouloir dénoncer quoi que ce soit ou de vouloir faire passer des grands messages, etc. Nous, on n'a pas tellement cette prétention là. Après, ça veut pas dire que c'est dénué de sens, dénué de fond, mais disons qu'on parle plus à titre personnel. Déjà, on n'essaie pas d'engager qui que ce soit ou de convaincre qui que ce soit. On est plus là pour partager notre vision des choses, et si il y avait un message qui devait passer à travers ce projet, c'est plus peut-être une espèce de petit signal d'alerte sur plusieurs sujets, notamment on vit dans un monde avec quand même une technologie qui devient omniprésente et qui modifie quand même en profondeur nos modes de vie, et ça a des impacts quand même réels sur nos interactions et sur notre vision du monde. On essaye aussi d'alerter à notre manière et de manière ponctuelle sur des sujets comme l'environnement, parce que c'est des choses dont on parle beaucoup entre nous et qui comme en tant que jeunes, comme beaucoup, ça nous préoccupe. Mais on essaye vraiment de faire passer ça comme une sorte de leçon ou de bonne parole qu'il faudrait appliquer. C'est avant tout un constat personnel et qu'on essaie de partager de manière poétique, et si ça peut éveiller l'attention des gens, c'est tout bénef. D'accord. Vous dites également dans la description de ce projet, car je l'ai sous les yeux actuellement, que vous voulez faire voyager l'auditeur dans un univers, je cite, oscillant entre dystopie romancée et réalité crue. Que voulez-vous dire par là? C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'en fait dans nos morceaux, ça mélange à la fois des éléments qui sont très imagés, très inventés, et comme je disais, qui sont presque cinématographiques, dans le sens où on imagine une situation dans un monde qui n'existe pas vraiment, et on voit comment la chose se déroule. Donc ça, c'est un petit peu la dystopie romancée, puisque souvent on va dépeindre un monde un peu où c'est un peu le bordel et où tout semble un petit peu partir en vrille. Donc c'est ça un peu la dystopie romancée, mais c'est pas que ça, puisque à côté il y a aussi des moments dans certains sons qui sont beaucoup plus crus et beaucoup plus réel, où là on va dépeindre la réalité crue telle qu'elle est, sans essayer d'inventer un nouveau monde. Mais notamment ça passe par des citations de personnes bien connues, de références bien connues, bien ancrées dans ce monde réel, en parlant de certains personnages. On a par exemple on parle par exemple de c'est stupide, mais on parle par exemple de Roman Polanski ou de Alain Finkielkraut, qui sont des personnages auxquels on a des choses à reprocher. Et c'est ça, ce genre de, quand on dit réalité crue, c'est parce que on a aussi ce genre de références qui sont bien réelles, bien tangibles, et auxquelles l'auditeur peut se raccrocher parfois. D'accord. Donc pouvons-nous dire que ce projet Future Love and Death constitue en quelque sorte un exutoire pour les grands enfants? Oui, c'est clair que c'est un exutoire, puisque ça nous permet de partager des idées et des émotions qu'on aurait du mal, je pense, à dévoiler autrement que par la musique. Et de toute façon, même de manière générale, la musique, je pense que c'est notre exutoire depuis de nombreuses années, et que ça va continuer à l'être pour très longtemps. Oui, je trouve que c'est un des avantages justement de toute forme d'art, de se libérer, de dire ce qu'on a sur le cœur, tout en gardant une partie artistique. Je trouve ça vraiment, vraiment pratique, et l'art, c'est vraiment quelque chose qu'on oublie trop souvent. Oui, c'est clair que c'est essentiel, hein. Et puis, on a bien vu l'importance de l'art, pendant la période du Covid et du confinement, parce qu'au final, c'est un peu tout ce qui restait à certaines personnes qui étaient incapables de, enfin, qui pouvaient pas aller travailler, qui pouvaient pas sortir de chez elles. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, sans l'art, on serait complètement, complètement perdu, quoi. Si on n'avait pas l'art pour nous divertir et nous faire réfléchir et nous faire ressentir des choses, qu'est-ce qu'on ferait, quoi. C'est ça. Tout à fait. Donc, avant de poursuivre, je vous propose que nous nous lancions tout de suite dans une deuxième fréquence et que nous écoutions un autre titre de ce projet Future Love and Death, titre intitulé, du coup, Joshua Wong. Donc, on s'écoute ça et on se retrouve juste après. Space Space. Pétasse veut ma cocaine. Online, Blue Haze, la même que MTK. Manax, Blu-ray, Broken Clan, Stardust, Magma, Blueface. Faut qu'on brûle un Starbucks. Assez appelé à la mort, yeah. Fuck le 17 aux les mains, yeah. La BASU dans la mare, ouh. J'me remets aux éléments, yeah. J'suis sur des géants de fer, avec les zéros défaites. On est tous témoins des faits. On vient pour gâcher la fête. Minneapolis, la feu la police, on est plus polis, yeah. Une fois un bolide avec leur body, je vais faire du bowling, yeah. Ils ont des calibres après la manie, je me barre en Cali, yeah. Vision décalée, j'ai qu'un canif entre mes canines, tic, tac. Je vais sauter la bombe avec mon pic, clac. J'ai la fin du monde, je suis mon clic, clac. Fuck un super héros, fuck un Ken, clac. On va pas se déchirer pour une quête là, yeah. Qu'est-ce que tu me guettes là? J'suis trop raide là, yeah. Comme dans Rain Man, yeah. J'suis dans Red Dead, j'vais pas drop dead. Elle est red dingue, yeah. J'ai pas besoin d'elle, yeah. All night, switch blaze, pétasse veut ma cocaine. Online, Blue Haze, la même que MTK. Mad Max, Blu-ray, Broken Clan, Stardust, Magma, Blueface. Faut qu'on brûle un Starbucks. Jojo pousse sous son vitesse. J'arrive, je repars en vitesse. J'suis trop flex, j'suis ambidex. Pétasse, j'ai pas envie d'elle. J'arrive comme Ben 10 au poignet. J'ai ma cloque, cloque, cloque, cloque. J'ai que la vingtaine, eux ils ont des cloques, cloques, cloques, cloques. Si t'es importé un hop, yeah. Ils ont défoncé ma porte, yeah. Le plan faut qu'on l'élabore, yeah. Nique les gars dans les labos, ouh. Frérot, on les wet, ils sont déjà dead. Cette nuit elle est wet, sous la pluie on sauve le monde avec Joshua Wong, révolution dans la Quechua. Joshua Wong, le reste se transforme en cauchemar. All night, switchblaze, pétasse veut ma cocaine. Online, Blue Haze, la même que MTK. Mad Max, Blu-ray, Broken Clan, Stardust, Magma, Blueface. Faut qu'on brûle un Starbucks. Vous êtes de retour sur Radio Gemozo, vous êtes toujours en direct sur le 107 FM ou sur nos applications Radio Line et Orange Radio. Il est 14h, presque 34, nous sommes toujours, du coup comme je le disais, en direct, et vous venez d'écouter Joshua Wong du duo Les Grands Enfants. Nous sommes toujours en compagnie au téléphone de Nils, du coup de ce même duo, qui est venu nous parler du projet Future Love and Death qui sort demain à minuit. Ça va toujours ? Ça va très bien, toujours. Donc, justement, que pouvons-nous dire sur ce son Joshua Wong? Ouais, c'est vrai que c'est un son intéressant. Techniquement et musicalement parlant, avant de parler plus de son contenu et de ses paroles, c'est un peu une prise de risque déjà pour nous ce morceau, parce que la plupart du temps, nous, ce qu'on aime bien faire, c'est des morceaux assez mélodieux avec des top lines très chantées et voilà beaucoup de mélodies. Et déjà pour ce morceau, on avait décidé d'un peu s'en libérer et d'essayer de faire un morceau beaucoup plus rappé, avec beaucoup moins de chants, quoi, quelque chose de beaucoup plus kické, beaucoup plus énergique. Donc ça, en soi, déjà, ça c'était déjà un petit défi pour nous qu'on voulait relever. Ensuite, dans son contenu, là aussi, c'est un des morceaux qui est, je trouve, un des plus parlants du projet. Puisque c'est vraiment celui dans lequel on se met en, le plus un peu dans une position de rébellion, en fait. Ce morceau, il évoque un peu toute cette idée de rébellion contre une forme d'oppression d'un système un peu injuste et donc c'est personnifié au travers de la personne de Joshua Wong, donc qui est le titre du morceau. Donc peut-être qu'on peut expliquer, je sais pas si, enfin je pense que c'est peut-être bien d'expliquer pour les auditeurs qui est Joshua Wong. En fait, c'est un jeune Hongkongais qui, quand il avait 14 ans, en fait, il était à Hong Kong et il a réussi à quasiment à lui tout seul a créé un mouvement de contestation, en fait, puisque donc à l'époque la Chine essayait d'imposer en fait à Hong Kong des programmes d'histoire qui mettaient en valeur, enfin qui modifiaient l'histoire et qui mentait en fait pour mettre en valeur la Chine et montrer en quoi la Chine avait fait tant de bien à Hong Kong, ce qui est bien évidemment faux. Et donc lui, il s'est rendu compte de ça et il voulait pas que à partir de là, pendant des dizaines d'années, on enseigne aux jeunes Hongkongais des faits qui sont modifiés par le régime chinois. Et donc, avec l'aide de quelques amis, à 14 ans, il a commencé un mouvement de contestation et de rébellion à Hong Kong qui a pris de l'ampleur et qui a débouché en fait sur la révolution des parapluies, et donc avec des manifestations de plusieurs centaines de milliers de personnes devant le gouvernement hongkongais, d'où la phrase à la fin du morceau, je ne sais pas si vous avez entendu, donc il y a une phrase qui dit « Je suis à Hong, révolution dans la Quechua », parce qu'en fait tout ça a commencé par en fait planter des tentes. Il a juste tout simplement planté des tentes avec ses amis devant le Parlement hongkongais en signe de protestation. Et donc nous on a vu ça, on a s'intéressé à son histoire, et ça nous a beaucoup inspiré. C'est un peu comme ça qui est venu ce morceau qui traite donc de tout ce qui est rébellion anticonformisme, un système qui est parfois très très injuste, et qui est voire dangereux par bien des aspects. D'accord. Oui, parce que là justement, j'ai fait ma petite recherche pendant que vous répondiez, tout en vous écoutant, bien sûr. Joshua Wong, il est encore tout jeune. Il n'a que 24 ans, du coup, en ce moment. Donc c'est vrai que pour son jeune âge, et comme vous l'avez dit, il a commencé à militer à 14 ans. Donc quand même, pour son jeune âge, c'est quand même quelque chose de... faut quand même avoir du cran, je trouve. Ah ouais, ça nous a vraiment frappé. Et pareil, on était très touchés par son histoire. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'on faisait, nous, à 14 ans, quoi. Enfin, c'est impressionnant que ce gamin a eu la motivation, enfin le courage d'affronter le régime chinois, quoi, qui est quand même pas facile. Enfin, on connaît les dérives et les dangers. Et aujourd'hui il a encore pas mal de soucis vis-à-vis de ça. Il est régulièrement emprisonné par le gouvernement chinois. Mais bon, comme il jouit quand même d'une certaine notoriété internationale, il est relativement en sécurité, mais ça reste très compliqué pour lui. Et il s'est retiré pas mal de mouvements contestataires hongkongais, justement parce que c'était devenu trop risqué pour lui, quoi. Mais ouais, il y a un documentaire sur lui sur Netflix qui est vraiment très très bien fait. Donc voilà, si ça intéresse des gens, c'est une histoire passionnante de lutte adolescente. D'accord. Si vous le connaissez, vous pouvez peut-être donner le titre de ce reportage, on sait jamais. Je crois que c'est Joshua Wong, enfin en tout cas je crois que c'est Joshua Wong dans le titre, Joshua Wong, la révolte, quelque chose comme ça, c'est facile à trouver, je peux peut-être regarder là rapidement. D'accord, donc en attendant, du coup, j'avais donc d'autres questions, bien sûr. Du coup, est-ce que on va plus parler là de votre style de musique avant de replonger dans ce projet futur Love and Death? Est-ce que dans votre musique, vous avez des inspirations, des personnalités qui vous inspirent à côté des chanteurs, des musiciens ou autres? Oui, complètement, ça c'est clair. En termes d'inspiration, moi, il y a ce qui m'inspire beaucoup et ce qui continue à m'inspirer, c'est toute la mouvance en fait qu'on appelle emo rap aux États-Unis, donc pas mal de rap américain. Et donc c'est une mouvance qui a commencé à exploser dans les années 2017, notamment avec des artistes comme Juice WRLD ou encore Lil Peep qui postaient leur musique sur SoundCloud et qui avaient beaucoup de succès avec ça. Donc ça, c'est, je pense, les premiers artistes qui m'ont beaucoup influencé. Ouais, Juice WRLD, Lil Peep, parce que ils faisaient du rap, mais qui était comme nous, un peu très très mélodieux, et qui abordait le thème des sentiments, des émotions, avec très très peu de pudeur et de manière très très spontanée, directe. Et ça m'a beaucoup touché. Et donc ça, c'est un des mouvements qui m'a le plus inspiré. Après, en artiste français aujourd'hui plus actuel, on écoute beaucoup d'artistes comme Hamza. Pour justement améliorer au niveau des mélodies, on le trouve très fort. On aime bien aussi, on aime beaucoup aussi Lalo, bien sûr, qui nous a inspiré dans le sens où lui aussi, il a créé tout un univers autour de son dernier projet Trinity. Au niveau des prods aussi, c'est très très c'est très très travaillé. Il y a beaucoup de détails. C'est du très très haut niveau, tout simplement. Donc voilà, pour et ensuite si je peux parler un peu pour Marius, lui je sais que Marius de base lui venait plus d'une tendance plus électro, techno électro, et qui quand il était plus jeune il a beaucoup écouté des artistes comme Porter Robinson, qui est un producteur électro, et qui ça lui a peut-être sûrement apporté toute cette influence un peu électronique et aussi mélancolique dans les mélodies. D'accord. Du coup, j'ai fait également mes petites recherches de mon côté, et je pense avoir trouvé le fameux reportage dont vous parliez, Joshua contre une superpuissance. Ouais, c'est ça. Voilà, donc si ça intéresse des auditrices ou des auditeurs, allez regarder surtout ce reportage, et vous apprendrez sûrement beaucoup de choses. Ouais. Ensuite, vous l'avez un petit peu dit tout à l'heure, que vous n'avez pas la prétention de dire que vous dénoncez quelque chose, mais est-ce que tout de même, au travers de tout ce projet, Marius et vous voulez faire prendre conscience à celles et ceux qui nous écoutent qu'il faut qu'ils se réveillent, qu'ils arrêtent de se prendre la tête pour des choses pas forcément importantes, de faire passer un message du style Peace and Love ou encore Make Love Not War, message que nous avons déjà toutes et tous entendu au moins une fois dans nos vies. Est-ce que vous vouliez faire passer ce genre de message quelque part ou pas? C'est une bonne question. En tout cas, si la question s'est posée, elle s'est pas posée de manière consciente, je pense, parce qu'en fait, je pense que on est à un développement de notre art et de notre univers qui est un peu trop tôt pour pouvoir proposer une réponse claire et précise à un problème. C'est-à-dire que je pense pas qu'on ait assez réfléchi à la question pour pouvoir dire donc on est dans telle situation, on fait face à telle dérive, à tel problème climatique, politique, social, etc. pour proposer une réponse claire de l'ordre de vous voyez tel est le problème, la réponse est soyez peace, ne faites pas la guerre. Moi-même je sais pas quelle est la meilleure réponse à tout ça. Je suis pas persuadé qu'il faille je ne sais pas s'il faut une réponse violente ou au contraire paisible et nécessaire. Je ne sais pas encore lequel des deux est le mieux. Je ne suis pas persuadé qu'il faille bannir toute violence en fait pour pouvoir trouver des solutions. En fait, je sais tout simplement pas. Donc, je pense que c'est une question qui est encore un petit peu compliquée. Mais après, c'est clair qu'on essaye, nous, de nous recentrer sur les choses qui comptent le plus pour nous, à savoir donc nos amis, nos proches et faire de la musique. Et on essaye vraiment, en tout cas, s'il y a un message qu'on essaie de faire passer, c'est qu'en tout cas, nous, on est convaincus que le bonheur et la paix, ils viennent avant tout de ça, quoi, de notre cercle proche, c'est-à-dire passer du temps avec ses proches, prendre soin de ses proches, prendre soin de ses relations. Et nous, ça passe par la musique, c'est-à-dire tout s'impliquer dans une passion et se réaliser au travers d'une passion qui est la musique, mais ça peut être le dessin, ça peut être n'importe quoi. Et ça, ouais, par contre, je pense que ça, c'est un message important et auquel on tient. C'est-à-dire qu'il faut pas attendre du monde qu'il te rende heureux ou qu'il t'apporte une espèce de confort matériel ou voilà, et que ça devrait revenir de soi et de son environnement proche. D'accord. Donc, maintenant que nous avons beaucoup parlé du contenu de ce projet, nous allons un petit peu nous attarder sur l'identité visuelle et ensuite l'identité musicale du coup de ce projet. Donc, pour ce projet Future Love and Death et pour l'identité visuelle de ce dernier, nous remarquons, et vous le dites très bien d'ailleurs, des clins d'œil à des œuvres que tout le monde ou presque connaît. Nous pouvons citer par exemple le film d'animation en images de synthèse sorti en 2008, Wall-E, qui sera d'ailleurs le prochain son que nous écouterons dans cette émission. Le film à succès sorti en 2018, Ready Player One, Akira, manga de Katsuhiro Otomo et animé cyberpunk post-apocalyptique japonais datant de 1988, retraçant cette série de mangas, réalisée du coup par son auteur. Et nous remarquons même des clins d'œil à la série d'animation diffusée originellement de 2003 à 2007, Code Lyoko. Pourquoi avoir choisi ces œuvres pour vous appuyer dessus? Bah alors, en fait, je pense que c'est un processus qui a dans les deux sens, c'est-à-dire que on a choisi ces œuvres pour illustrer l'univers qu'on voulait dépeindre, mais c'est aussi ces œuvres-là qui ont indirectement créé notre univers, en fait, enfin notre identité visuelle. Du coup, on la voit comme vraiment un monde qui appartient au code un peu du cyberpunk, c'est-à-dire un monde voilà un petit peu futuriste, digitalisé avec pas mal de technologies, de voilà des, tout ce qui est des références à des robots, des cyborgs. C'est quelque chose qu'on aime bien. On aime bien regarder des films comme ça. Et donc bah, assez naturellement, forcément, au moment d'écrire des morceaux et de citer des œuvres, bah, c'est des œuvres de cette nature-là qui sont ressorties. Donc comme Wally, comme Ready Player One. Akira, voilà, donc c'est un peu comme ça que ça s'est créé. D'accord. Et donc maintenant que nous avons parlé de l'identité visuelle, rattardons-nous à nouveau sur l'identité musicale. Vous en avez déjà parlé un petit peu tout à l'heure, mais est-ce que vous pouvez peut-être un petit peu développer votre réponse ? Sur quel point ? Parce que c'est quand même assez large. Tout simplement, comment la décririez-vous, en fait, votre identité musicale? Bah, je pense que les points les plus importants, c'est la mélodie, c'est-à-dire ouais, beaucoup de mélodies. On fait une musique qui s'appelle le rap et qu'on inscrit dans le mouvement rap, mais je pense que ça, on s'en détache par beaucoup d'aspects. Puisque on y incorpore en fait pas mal d'éléments donc d'autres musiques comme j'ai pu expliquer, par exemple le rock, voilà, avant des refrains par exemple, on va avoir tendance à bien aimer mettre des petits fills de batterie, ce genre d'éléments là. Ensuite ouais, des éléments aussi plus techno. Il y a notamment un morceau dans le projet, c'est le sixième morceau, qui est assez expérimental et dans lequel on s'est vraiment beaucoup écarté des sentiers battus pour proposer quelque chose d'assez nouveau, puisqu'on mêle vraiment rap et techno. Et il y a sans trop spoiler, il y a un drop qui est complètement techno et qui pourrait complètement passer dans une boîte techno en Allemagne par exemple. Donc voilà, je pense que c'est ça le corps de notre identité musicale, c'est du rap, rap emo rap mélodieux, voilà, auquel on vient ajouter quelques petits éléments de nos influences personnelles et des choses qui nous tiennent à cœur, donc le rock et la musique plus électronique. D'accord. Donc je vous propose que nous nous lancions directement dans une troisième et dernière fréquence et que nous écoutions, comme annoncé, juste avant, un autre son tiré de votre projet Future Love and Death, son intitulé Wall-E, donc le fameux petit robot du film d'animation. Yes. Donc on s'écoute ça et du coup on se retrouve juste après. C'est parti pour Wall-E. C'est ton cœur, l'univers c'est en pareil. Méga comme Alita, j'ai fumé Cyclope. Leur cœur c'est du métal, et c'est des cyclopes. Je combats les cyborgs en convalescence entre les idoles et les vannées. Tu te sens super punk, t'apprécies personne. Super seul depuis l'adolescence. Elle a fait ses valises. Cœur brisé comme moi. Cœur brisé comme moi. Trinity Manalis. Nos deux noms sur Alice. La planète est en feu. Je m'en vais fumer Nova. Après la pluie, l'orage. Ils ont fait fumer l'oracle. J'ai mis les pleins phares. Je ralentis pas au virage. Tout ceci n'est qu'un mirage. Je suicide pas pour des rages. Je vis ta vie comme un RPG. C'est pas moi qui vais t'en empêcher. Viens pas me confesser tes péchés. C'est pas moi qui vais te repêcher. Maintenant j'assume qui je suis. On changera pas pour des streams. Je veux les flots de Kaneki. Je sais pas, on va caner quand. Oh, son cœur un emoji. Elle nous quitte pas aimer Audi. Je me sens bien dans mon nouveau jean. Oh, je me sens comme dans Tamagotchi. Je négocie pas mon tarotchi. Ni qu'un banquier, ni qu'un rochi. Là t'es dans un monde parallèle. Tu te sens bien nulle part ailleurs. T'as tes potes et ton caramel. L'univers est en pareil. Mec comme Alita. J'ai fumé cyclope. J'ai fumé cyclope. Leur cœur c'est du métal. Et c'est des cyclopes. Et c'est des cyclopes. Méga comme Alita, j'ai fumé Cyclope. J'ai fumé Cyclope. Leur cœur c'est du métal, eux c'est des Cyclopes. J'combats les cyborgs en convalescence. Entre les idoles et vanesse. Tu te sens super punk, t'apprécies personne. Tu te sens super seul depuis l'adolescence. Méga comme Alita. J'ai fumé Cyclope. J'ai fumé Cyclope. Leur cœur c'est du métal. Et c'est des Cyclopes. Je combats les cyborgs en convalescence. Entre les cydales et évanescence. Tu te sens super punk. T'apprécies personne. Tu te sens super seul depuis l'adolescence. Vous êtes de retour sur Radio Gemozo. Vous êtes toujours en direct dans Fréquence Libre sur le 107FM ou sur nos applications Radio Line et Orange Radio. Il est 14h presque 54. Vous venez d'écouter Wally du duo Les Grands Enfants. Nous sommes toujours en compagnie au téléphone de Nils, donc du duo Les Grands Enfants, qui est venu nous parler du projet, entre autres Future Love and Death, qui sort demain à minuit. Donc est-ce que ça va toujours ? Ça va super. Donc nous arrivons bientôt à la fin de cette émission, il nous reste encore, on va dire, 5 minutes. Donc est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé et qui mériterait absolument de l'être ? Alors, bonne question. L'avenir peut-être, les projets futurs. Allez, peut-être parler de... c'est parti. Déjà on a... Qu'est-ce que je peux dire ? On a un clip on est en train de travailler là sur un clip justement pour le dernier morceau que vous venez de jouer, donc Wally, on travaille actuellement sur un clip assez ambitieux pour ce morceau qui va demander pas mal de. Voilà, ça va pas être un clip, entre guillemets classique rap français avec que du playback et des jolis décors. On essaie vraiment de créer quelque chose de sympa avec pas mal d'acting, une petite histoire, beaucoup d'effets spéciaux pour essayer de vraiment mettre en lumière donc l'identité visuelle du projet qu'on évoquait précédemment. Donc on travaille avec quelqu'un à la réalisation de ce clip là en ce moment même. Et on espère que ça sorte dans pas trop longtemps, sûrement aux alentours des mois de mars-avril. Donc voilà, c'est un peu l'actualité et ce sur quoi on travaille en ce moment. Voilà, mettre en image un peu l'univers qu'on a réussi à créer. D'accord. Ensuite en termes de musique là, on continue à créer des morceaux et à faire des chansons et pour l'instant on est concentré sur la sortie de ce projet, donc on réfléchit pas trop encore à qu'est-ce qu'on va en faire, mais on espère bien pouvoir enchaîner assez rapidement après la sortie du projet pour pouvoir envoyer pourquoi pas un petit EP ou voilà d'autres projets peut-être un peu moins lourds, mais clairement on compte pas disparaître pendant un an suite à la sortie de Future Love and Death. D'accord. Bon, vous reviendrez nous parler sur nos ondes de ces futurs projets quand ils seront sortis. Avec grand plaisir. Et peut-être que d'ici là, peut-être qu'on pourra vous avoir, vous et Marius, ensemble, ça serait top. Ah ouais, ce serait super. Donc, il est 14h56. Avant de nous quitter, je vais vous partager une petite info locale, vu qu'on parlait là surtout de cette émission sur la culture, tout ça. Donc, il est vrai que le manque d'accès à la culture nous concerne toutes et tous et impacte la santé physique et morale de tous les citoyens. C'est d'ailleurs pour ça, que beaucoup de citoyennes et citoyens se sont mis à l'art afin d'avoir un petit exutoire. Donc, le collectif Réseau d'être, appuyé par des artistes amateurs et professionnels locaux, a imaginé un poste de secours culturel numéro 1, donc PSC1, des mini-spectacles pour des mini-publics, le tout dans le respect des règles sanitaires. Au-delà d'être un moment d'animation artistique, le PSC1 est surtout une action militante pour demander la réouverture des lieux culturels, en démontrant le besoin essentiel de culture parmi la population et les enjeux de survie des acteurs culturels. Donc le collectif Réseau d'être, donc en Lorraine, dans les Vosges, vous donne rendez-vous au centre Léo Lagrange, samedi 27 février 2021, donc ce samedi, à partir de 14h et jusqu'à 17h. Ouvert à tous, obligatoirement sur inscription par téléphone au 06 88 47 89 29 ou par email à poste de secours culturel, tout attaché, @gmail.com. D'ailleurs, est-ce qu'il y a peut-être des concerts prévus quand on pourra par les grands enfants? Alors là, dans l'immédiat, non, c'est compliqué. On n'a pas d'expérience vraiment de la scène. Et là, en plus, avec la situation, c'est un petit peu difficile, mais c'est clairement quelque chose qu'on a envie d'essayer, enfin, je pense que voilà, en tant qu'artiste, la plus belle chose, c'est de pouvoir partager un moment sur scène avec le public et voilà, et partager autour de la musique dans un moment concret et réel. Donc c'est quelque chose qu'on aimerait faire un jour, ça c'est clair, mais pour l'instant, rien de prévu encore à ce jour. On vous tiendra au courant si ça change. Avec plaisir, et on relayera l'information sur nos réseaux sociaux. Cool. Du coup, allez, 14h58, une deuxième info locale avant de nous quitter. Donc, après le volte-face du maire qui avait annoncé vouloir s'opposer au projet, un collectif d'habitants de Vagney appelle à un rassemblement, pareil le samedi 27 février à 10h, devant la mairie de Vagney pour protester contre le projet de construction d'un pylône de 38 mètres sur le flanc de Chèvre Roche. Ce pylône doit accueillir des antennes 5G. Stop Linky 5G 88 apporte son soutien au collectif et appelle à venir nombreux pour exprimer notre opposition au déploiement de cette technologie dangereuse pour la santé, pour les libertés publiques, pour la biodiversité et l'environnement, et qui gaspille des quantités phénoménales d'énergie et de ressources rares. Donc voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de Fréquence Libre. Donc je remercie une nouvelle fois Nils du duo Les Grands Enfants d'avoir accepté notre invitation. D'ailleurs, merci à vous, c'était super cool. C'est vrai, c'était cool. D'ailleurs, Nils, vous saluerez Marius de notre part à Radio Guémozo. Je crois qu'il nous écoute là, donc vous pouvez lui faire un... Bonjour Marius, de la part de Chris de Radio Guémozo, du coup. Et donc du coup, Nils, ne quittez pas, je vous reprends juste après hors antenne, d'accord? Ok, d'accord. Donc, cette émission sera rediffusée demain jeudi à 18h et le podcast sera publié dans la journée. Donc si vous voulez, je pourrais vous l'envoyer par mail. Ok. Bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez réagir à cette émission sur notre page Facebook Radio Guémozo ou en nous appelant au 03 29 62 40 40. Quant à nous, nous nous retrouvons lundi à 8h et 13h30 pour un nouveau voyage dans la vie et dans l'œuvre d'un nouvel auteur, dans votre chronique L'Art Histoire des Auteurs, et toujours à 14h, lundi en direct, pour une nouvelle édition de Fréquence Libre, dans laquelle je recevrai, si tout va bien, un chanteur local, Jimmy, du groupe local Frisson. Merci encore à Nils d'avoir accepté notre invitation. Et en attendant, je vous laisse en musique après le générique avec Anita Baker et son titre Sweet Love, avant de retrouver la rediffusion de l'édition de Fréquence Libre d'hier, mardi, dans laquelle je recevais le jeune slammer engagé contre le harcèlement scolaire, Cosmos. Du coup, merci de votre fidélité à Radio Guémozo et je vous dis à lundi. Salut et à lundi.